السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on commence en adressant la louange à Allah subhanahu wa ta'ala et en y attribuant tout bien, car aucun profit, chers frères, n'est obtenu si ce n'est avec son aide, Jalla fi'ula. Et parmi les plus conséquents des dons et bienfaits qu'il nous est accordé, c'est le fait de se rencontrer pour se rappeler de lui subhanahu wa ta'ala et l'évoquer. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ceux qui écoutent le discours et qui suivent ce qui en est de meilleur. Certes, il entend et exauce. Chers frères, avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens étaient dans l'ignorance et le polythéisme, al-shirk, tandis que l'injustice et l'égarement les aveuglaient. Allah envoya donc le prince des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans une période dépourvue de messagers, pour qu'il redresse la communauté déviante, qu'il dise la ilaha illallah et qu'il réussisse la communauté déviante, c'est-à-dire la communauté des Arabes, la communauté des Arabes qui a été qualifiée de déviante du fait qu'elle avait dévié de la voie d'Ibrahim et que les Arabes donc s'étaient adonnés à l'adoration des idoles. Leur voie était donc une voie déviante de celle du culte exclusif qui doit être voué à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'elle a été appelée al-millatul awja, la communauté ou la voie déviante. Il est donc venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité et l'annihilation du faux, et il est venu sallallahu alayhi wa sallam avec la guidée et avec la justice. Par lui, Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti le polythéisme. Il l'envoya par miséricorde pour l'univers, et il l'envoya en tant qu'annonciateur et avertisseur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la fois annonciateur de la bonne nouvelle et également avertisseur d'un châtiment terrible, annonciateur pour celui qui croira en lui, et avertisseur envers quiconque lui désobéirait et obstruerait sa voie. Ainsi par lui, Allah subhanahu wa ta'ala différencia le vrai du faux. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Al-Ma'idah, Ya ahl al-kitab, قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أو جان دو ليفر, notre messager vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et il les guide vers un chemin droit. L'imam, l'érudit, Abu Ja'far, Ibn Jarir, Al-Tabari, l'imam des exégètes, Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son exégèse, dans son explication du Coran, Jami'ul Bayan, qui est une des grandes références en matière d'explication du Coran. Il a dit lors de son explication du verset que vous venez d'entendre, il a dit, il vise par cette lumière, la lumière qui a été citée, il vise par cette lumière Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par qui Allah a illuminé la vérité, fait apparaître l'islam et anéanti le polythéisme. Il est donc une lumière pour celui qui aura cherché à s'éclairer par lui, et c'est par son biais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci la vérité. L'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a quant à lui rapporté dans son recueil authentique qu'un homme a dit à Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a dit, informe-moi au sujet de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah. Abdullah ibn Amr ibn al-As de répondre, d'accord, il est certes décrit dans la Torah par certaines de ses caractéristiques citées dans le Coran. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur et avertisseur, et refuge pour les illettrés. Tu es mon serviteur et mon messager. Je t'ai appelé Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil, c'est celui qui place par excellence sa confiance et qui s'en remet par excellence à Allah subhanahu wa ta'ala. C'était donc un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mutawakkil. Il n'est ni dur ni rude, ni crieur dans les marchés, et il ne répond pas au mal par le mal, mais il absout et pardonne, et Allah ne prendra pas son âme avant qu'il n'ait par son biais rétabli la communauté déviante qui dira La ilaha illallah, et par qui il ouvrira des yeux aveugles, des oreilles sourdes et des cœurs scellés. At-Tirmidhi, Rahimahullah, a rapporté dans son livre Al-Jami', de même qu'il a rapporté dans son livre Al-Shama'il, de même qu'Ibn Majah a rapporté ce même récit dans ses Sunan, avec une chaîne de transmission authentique, qu'Anas, qu'Allah l'agré, a dit, le jour au cours duquel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, toute chose s'est illumina, tandis que le jour de sa mort, tout s'y assombrit. Et lorsque nos mains ont quitté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions en train de l'enterrer, nous nous mîmes à réprouver nos cœurs. Et cette expression, elle exprime le sentiment de détresse dû à la perte du prince des messagers et l'adversité que les compagnons, que ses compagnons, qu'Allah les agrée, rencontrèrent à ce moment, à tel point qu'ils réprouvèrent leur propre personne suite à l'énorme tristesse qui les envahit à cause de cette séparation et de l'interruption de la révélation et de l'interruption de la révélation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Bukhari a mentionné dans son recueil authentique d'après Jabir qu'Allah l'agré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait le vendredi auprès d'un arbre ou d'un palmier. Donc pour dispenser son sermon du vendredi. Une femme, à moins que ce ne soit un homme, l'hésitation provient du rapporteur, une femme ou un homme parmi les auxiliaires ce sont ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui avaient émigré avec lui lorsqu'ils ont émigré de la Mecque jusqu'à Médine. Ce sont les Ansar, les auxiliaires qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ceux qui l'accompagnaient parmi ses compagnons au cours de l'hégire. Cet homme ou cette femme parmi les auxiliaires lui dit un jour: ne te confectionnerions-nous pas une chaire? Une chaire, c'est-à-dire c'est un mimbar. La chaire, c'est un mimbar. Il répondit: si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Et ils s'exécutèrent. Et lorsque vint le jour du vendredi qui suivit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva pour dispenser son discours du vendredi, il fut orienté donc vers cette chaire. Il fut orienté vers cette chaire. Non. C'est alors que le palmier poussa le cri d'un nouveau-né. Le palmier, il poussa le cri d'un nouveau-né. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendit alors et le serra contre lui. Il poussa alors un gémissement, tel le gémissement d'un enfant que l'on est en train de bercer. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu, il a serré contre lui pour le consoler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, il pleurait à cause du rappel qu'il entendait auprès de lui. Rends-toi donc compte, mon frère, de l'impact de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez les êtres humains et également auprès des choses inertes. Un tronc d'arbre, un palmier. Regarde l'impact qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui. Il pleurait à cause du rappel qu'il entendait auprès de lui. Et c'est pour cela que l'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, comme cela a été mentionné et relaté par l'imam al-Dhahabi dans son livre Siyar A'lam al-Nubala. Il a dit, il pleurait lorsqu'il racontait cette anecdote-là, lorsqu'il rapportait ce hadith, et il disait: ô musulmans, un morceau de bois soupire par désir de rencontrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant à vous, vous devriez encore plus désirer cela. Quant à vous, vous devriez encore plus désirer cela. Après ce préambule, chers frères, une question se pose. Quelle est cette voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a empruntée et à laquelle il a incité les gens à la suivre. Quelle est donc cette voie? Quelle est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est la voie de ses compagnons? Quelle est la voie de ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance? Qu'est-ce que la salafiyya? Les deux questions sont identiques. Comme ça va venir, incha'Allah ta'ala. Pour répondre à cette question, qui est le titre de cette assise, on va lire la traduction d'une conférence qui par la suite a été retranscrite dans un livre, une conférence du noble cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari, intitulée « Mahiya al-Salafiyya ». Mahiya al-Salafiyya. Et ce sujet, il a été abordé à plusieurs reprises. Ce sujet, il a été abordé à plusieurs reprises. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui ont déjà assisté à des cours basés également sur cette même conférence et ce même livre. Pourquoi répéter cette chose-là? Pour plusieurs raisons. L'importance du sujet. L'importance de connaître la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voie de ses compagnons, la voie des salafs. As-salafiyya. Car si tu veux la suivre, il faut que tu la connaisses. Également, les nombreux obstacles qui viennent s'interposer sur le chemin du serviteur qui souhaite suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Des obstacles d'ambiguïté qui viennent semer le doute concernant cette noble voie qui n'est autre que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, les nombreuses attaques que subit al-salafiyya sans que pour autant ça ne nuise à la salafiyya, car la salafiyya est claire. Mais le problème, c'est que certains succombe à ces attaques et aux doutes qui sont émis concernant al-salafiyya et se mettent à douter de cette noble voie. Il est donc bon et impératif de répéter sans cesse et de présenter et représenter lorsque l'occasion se présente ce qu'est al-salafiyya. Et également le fait qu'il y a sans cesse, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de nouveaux musulmans qui embrassent l'islam, ou des personnes qui s'investissent dans la religion, alors que ce n'était pas le cas auparavant, et qui ont donc besoin de connaître ce qu'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est autre que la salafia, comme on a dit et comme on le répète. Et ce qui va suivre n'est qu'une présentation. Et cette présentation va être organisée en différents points. Le premier concernera le sens linguistique du mot salaf. Le second consistera à définir qui sont les salafs en termes religieux. Le troisième point consistera à énumérer certaines appellations religieuses attribuées aux salafs. La quatrième concernera le jugement, la valeur religieuse du suivi et de l'affiliation à la salafia, le fait de se réclamer de la salafia. Le cinquième concernera le mérite de suivre les salafs et la salafia. Le sixième, quelques signes distinctifs de la salafiyya. Pour terminer, la conclusion qui contiendra certaines paroles magnifiques relatives au sujet, puisées donc des paroles des salafs. Concernant le premier point, à savoir donc le sens linguistique du mot salaf. Le mot salaf, il est basé sur trois lettres. En arabe, donc le sin, le lam et le fa. Al-sin, le lam et le fa, qui constituent la racine de termes indiquant une notion de devancement. Une notion de devancement. Le terme salaf en langue arabe signifie donc celui qui devance. Et il fait partie, avec les termes aslaf, soulouf et soulaf, des pluriels du mot salif. Donc salaf, c'est un pluriel. De même que le terme aslaf, soulouf et soulaf, qui sont donc tous des pluriels d'un seul et même mot, salif, qui est utilisé pour indiquer quiconque te devancerait parmi tes proches ou autres. Et c'est dans ce sens que l'on trouve dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Nous fîmes d'eux un antécédent, salaf, un antécédent, quelqu'un qui précède, salaf, et un exemple pour la postérité, ceux qui viennent après. Dans sourate Az-Zukhruf, l'imam al-Baghawi a dit dans son exégèse, qui fait partie également des exégèses de référence, des explications référence du Coran, lors de son explication de ce verset, de sourate Az-Zukhruf, il a dit, les salafs sont ceux qui ont précédé parmi les ancêtres. Ainsi, le sens voulu donc, dans ce verset est... Et nous en avons fait des ascendants afin que se rappellent ceux qui viendront après eux. Faja'alnahum salafan. Donc, des antécédents. Dans le sens d'ascendants, ceux qui ont précédé afin que se rappellent ceux qui viendront après eux. Et dans ce sens également, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Hurrimat alaykum أمهاتكم وبناتكم jusqu'à la fin du verset où il dit وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. Vous sont interdites vos mères, filles, jusqu'à sa parole, et que vous réunissiez deux sœurs. Donc il est interdit de se marier en même temps donc avec deux sœurs, exception faite pour ce qui est passé dans le verset salafa, illa ma qad salaf, ce qui est passé. Donc on retrouve à nouveau cette notion de devancement. C'est-à-dire que ce qui a précédé de vos actes, ceci vous est pardonné. Ainsi la faute commise dans le passé n'est pas prise en compte. Mais cela ne signifie pas la permission de l'acte. Les choses qui sont interdites, qui ont été mentionnées dans ce verset, sont interdites. Naam. Quant à ce qui est passé, vous êtes pardonné. Naam. Mais ça ne signifie pas la permission de l'acte. Et c'est dans ce sens-là, donc, que l'on dit, dans le sens donc, du devancement, que l'on dit qu'un tel a de nobles salafs, c'est-à-dire des ancêtres, comme l'a établi Raghib Al-Asfahani dans son livre Al-Mufradat. Al-Mufradat, c'est un livre qui a été donc écrit par Raghib Al-Asfahani et qui explique des termes complexes compris dans le noble Coran. Tandis que l'érudit Ibn Al-Athir, dans son livre Al-Nihaya, qui est un livre cette fois-ci consacré à l'explication de termes complexes contenu dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le grand linguiste Ibn Manzur dans son livre dans son dictionnaire référence intitulé Nisan al-Arab, ils ont spécifié cela en disant que ce sont ceux qui t'ont précédé en âge ou en mérite. Donc salaf, naam, il y a cette notion de devancement, mais c'est spécifié comme l'ont stipulé Raghib al-Asfahani ainsi que Ibn al-Athir, de même que Ibn Manzur. C'est restreint et spécifié par quoi? Par l'âge ou le mérite. L'âge ou le mérite, ou bien les deux. Ainsi, le dernier cité disait, à savoir Ibn Manzur, les salafs sont ceux qui t'ont précédé parmi tes aïeux et tes proches qui te devancent en âge ou en mérite. Qui te devancent en âge ou en mérite. C'est pour cela que la première génération de ceux qui ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été appelés les salaf salih. Étant donné qu'ils ont devancé en âge et en mérite. Parmi ceux qui appuient ce sens-là, il y a ce qui a été recensé dans les deux recueils authentiques de Bukhari, d'Al-Bukhari et de Muslim. Dans un hadith rapporté par Aïcha, radiallahu anha, et ce hadith est précédé d'une histoire. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une anecdote, le prophète sallallahu alayhi wa sallam confia quelque chose à l'oreille, un secret donc à l'oreille de sa fille Fatima. Et c'est alors qu'elle se mit à pleurer. Et c'est alors qu'elle se mit à pleurer. Lorsqu'il la vit et se rendit compte de sa tristesse, il lui révéla à nouveau quelque chose dans l'oreille. Et cette fois-ci, elle se mit à rire. Aïcha la questionna donc, mais elle ne lui dévoila rien de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit. Puis, plus tard, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mouru, elle la questionna à nouveau. Elle lui répondit alors, quant à la première fois qu'il m'a parlé, il m'a informé que Jibril lui nuisait chaque année le Coran une fois, et que cette fois-ci, il lui avait lu à deux reprises, et il m'a dit, à mon avis, ma fin est proche. Crains donc Allah et endure, car quel bon salaf je suis pour toi. Car quel bon salaf je suis pour toi. J'ai donc pleuré comme tu l'as vu. Puis lorsqu'il vit ma tristesse, il me révéla une seconde chose me disant, ô Fatima, n'acceptes-tu pas d'être la reine des femmes des croyants ou des femmes de cette communauté? J'ai alors ri comme tu l'as vu. L'imam, l'érudit An-Nawawi, a dit en commentant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel bon salaf je suis pour toi, dans son commentaire du recueil authentique de l'imam Muslim, il a dit, le salaf, c'est l'ascendant. Il a donc voulu dire, c'est-à-dire lorsqu'il lui a dit, crains donc Allah et endure, car quel bon salaf je suis pour toi, il a donc voulu lui dire, je suis avant toi, et ainsi tu me reviens. Je suis avant toi, ainsi tu me reviens. Donc salaf, comme on vient de le voir, ça indique une notion de devancement dans l'âge ou dans le mérite ou bien dans les deux. Et c'est ainsi donc que le sens linguistique de ce terme est établi. Comme vous le savez, il y a des termes que nous sommes amenés à utiliser qui peuvent avoir un sens dans la langue arabe et un sens qui diffère dans la religion. Même s'il y a une base commune, naam, mais tu vas trouver, au-delà des similitudes qu'il y a entre ces différents sens, tu vas trouver certaines différences. Il est donc opportun de se poser la question, qui sont les salafs en termes religieux, même si nous l'avons brièvement abordé lorsque nous avons lu la parole d'Ibn Manzur qui faisait référence justement au sens religieux. Et ce lorsqu'il a dit, c'est pour cela que la première génération de ceux qui ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été appelés les salafs salih. Qui sont donc les salafs en termes religieux? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Les tout premiers croyants parmi les émigrés, les auxiliaires et ceux qui les ont suivis de bonne manière, Allah les agrée et il l'agrée. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Dans la sourate, le repentir, At-Tawbah. Et dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleures des gens sont celles de ma génération, puis celles qui les suivent, puis celles qui les suivent. Viendront ensuite des gens dont le témoignage précédera le serment, et dont le serment précédera le témoignage. Et les termes de ce hadith sont ceux que l'on trouve dans le recueil d'Al-Bukhari. Tandis que dans l'authentique de Muslim, Aïcha radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, dit qu'un homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: quels sont les meilleurs gens? Il répondit: la génération de laquelle je suis, puis la seconde, puis la troisième. Et les paroles prophétiques dans ce sens sont nombreuses. Elles prouvent, ainsi que les versets qui ont précédé, notamment le verset de la sourate Le Repentir, la supériorité des compagnons, qu'Allah les agrée, et qu'ils sont les meilleurs des membres de cette communauté après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'ils sont nos salafs, nos précédents dans le mérite, la science et la foi. Ceci dit, une question importante se pose. Est-ce que la détermination de la durée, lorsque on a vu dans les hadiths que nous venons de mentionner, dans le hadith d'Aïcha, et avant lui, dans le hadith d'Ibn Mas'ud, qu'Allah les agrée, nous avons vu donc une détermination de la durée, une durée déterminée, la première, la deuxième et la troisième génération de l'islam. Est-ce que le simple fait qu'une personne ait vécu à cette époque-là, à l'époque de ces générations-là, suffit pour que nous la comptions parmi les salafs dans son sens religieux, dans le sens religieux de ce terme? Autrement dit, est-ce que tous ceux qui ont vécu à cette époque bénie font partie des salafs desquels on doit prendre exemple? C'est une question qui se pose. Et la réponse à cette question, c'est non. Et ce, de manière catégorique. Pourquoi? Car il est obligatoire de rajouter une condition importante qui est la conformité avec ce qui est venu dans le livre et la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est pour cela que tu vois que les imams de la sunna mentionnent cette condition afin que ceux qui font partie des mauvais prédécesseurs ne soient pas pris en compte et ne soient pas inclus dans cette noble appellation. Parmi ceux qui ont vécu à cette époque et n'ont ni pris en compte leur compréhension, ni suivi leur voie. Et comme il est dit La réalité est le meilleur des témoins. La réalité est le meilleur des témoins. Les Qadariyya, qui est une secte qui s'est égarée dans le domaine de la prédestination divine, ne sont-ils pas apparus à l'époque de certains nombres de compagnons? Et le hadith d'Ibn Omar est témoin de cela, dans lequel Ibn Omar, lorsque certains faits et paroles des instigateurs de cette secte égarée ont été rapportés à Ibn Omar, il s'est de suite désavoué de eux. Et il a dit: je me désavoue de eux et eux sont désavoués de moi. Et ce récit, il a été rapporté dans le recueil authentique des musulmans. C'est même le premier hadith que tu trouves dans ce livre. C'est même le premier hadith que tu trouves dans ce livre. Les Khawarij, les Kharijites, ne sont-ils pas, quant à eux, apparus et ne se sont-ils pas révoltés contre Ali, le quatrième calife, et d'autres parmi les compagnons, qu'Allah les agrée tous, alors qu'ils vécurent parmi eux? Et lorsque Ibn Abbas débattit avec eux, lorsque Ibn Abbas est allé voir ces Khawarij, na'am, pour débattre avec eux et les ramener à la vérité, par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela a été rapporté par Al-Hakim dans son livre Al-Mustadrak, avec une chaîne de transmission authentique. Parmi ce que Ibn Abbas leur a dit, il a dit: regardez, il n'y a parmi vous aucun d'entre eux, il n'y a parmi vous aucun d'entre eux, oui, d'entre les compagnons. Ils visaient par eux les compagnons, et cela fut suffisant pour prouver leur égarement. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient encore vivants. Naam, ces gens-là ont innové. Aucun parmi les compagnons ne les a suivis dans leur innovation. Et ce simple fait fut suffisant pour prouver l'égarement de ces Khawarij. Pour prouver l'égarement de ces Khawarij. Et si on peut se permettre une petite parenthèse ici, à un degré moindre, tu peux également te baser sur le fait que dans tous les groupes innovés que tu pourras trouver actuellement, tu ne trouveras parmi eux aucun savant de la sunna. Tu ne trouveras parmi eux aucun savant de la sunna. Mais tu trouveras que parmi ces innovateurs, ils vont chercher certaines paroles, certaines positions de certains savants de la sunna en essayant de faire croire qu'ils cautionnent la voix et les agissements et les positions de ces groupes-là, ou de ces individus-là, de ces innovateurs, qui ont conscience du rang qu'occupent les savants de la sunna dans le cœur des musulmans. En premier lieu, ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils cherchent donc, parmi les paroles et positions de ces savants-là, ce qui pourrait, je dis bien ce qui pourrait, laisser entendre qu'ils cautionnent leurs paroles et agissements. Alors qu'en vérité, ils sont très loin de cela. C'est pour cela qu'il faut que tu sois attentif. Il faut que tu sois attentif lorsque tu vois quelqu'un qui te ramène quelque chose dans la religion. Surtout dans ce qui est lié aux questions d'actualité et aux questions nouvelles et contemporaines, au sujet desquelles seuls les ulama de la sunna sont en droit de se prononcer. Regarde, lorsque quelqu'un te ramène une parole, qui parmi ces savants-là les a précédés dans cela? Et quand bien même il viendrait te ramener une parole de savant, analyse-la bien et reviens aux gens de science, reviens directement à eux. Car combien sont ceux qui cherchent à cautionner, excusez-moi, qui cherchent à légitimer leurs paroles et positions par des paroles de certains savants de la sunna qu'ils ont compris de travers. Donc sois attentif, barakallahu fik, à ces différents points. Et ne te laisse pas avoir par les faux semblants. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'assister. Le shir de continuer en disant: le simple fait de devancer dans le temps ne suffit donc pas pour que l'individu soit considéré comme un pieux prédécesseur, comme faisant partie des salaf salih. D'ailleurs, l'imam Muslim a rapporté dans l'introduction de son recueil authentique, d'après Ali ibn Shaqiq, qu'il a entendu Abdullah ibn al-Mubarak dire en s'adressant aux gens: délaissez ce que rapporte Amr ibn Thabit, car il insulte les salafs. Car il insulte les salafs, alors qu'il faisait partie, il était encore à leur époque. Et le terme salaf dans ce contexte désigne les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, un grand nombre de savants ont expliqué cette appellation, à savoir la salafiyya. À titre d'exemple, l'imam de la sunna, Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit dans son célèbre épître intitulé « Usul al-Sunna », il a dit: les fondements de la sunna chez nous s'accrochaient à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le suivre. L'imam Safarini, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre Lawami'ul Anwar, il a dit: ce qui est voulu par la voie des salafs et ceux sur quoi étaient les nobles compagnons et ceux parmi leurs suiveurs qui étaient sur la droiture, ainsi que ceux qui les ont suivis, et les imams de la religion parmi ceux dont l'imama est avéré et qui ont été reconnus pour leur haut rang religieux et dont les gens se sont transmis les paroles de génération en génération, excepté ceux qui auraient été accusés d'innovation religieuse ou qui se seraient fait connaître par une appellation peu glorieuse, comme c'est le cas des Kharijites, des Khawarij, des Rawafid, les Rafidites, les Qadarites, les Qadariya, les Murjites, les Murji'a, les Jabrites, Al-Jabriya, et les Jahmit, Al-Jahmiya, ainsi que les Karamit, Al-Karamiya, et leurs semblables. Fin de la parole de Safarini. Et notre shir, le shir de Sheikh Abdullah al-Bukhari, le grand savant, Muhammad Aman al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit dans son livre As-Sifat al-Ilahiyya fi dhaw al-Kitab wa Sunnah, il a dit: nous ne visons pas par le terme salaf, lorsque nous l'utilisons, uniquement les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Excusez-moi. Je reprends. Nous ne visons par le terme salaf, lorsque nous l'utilisons, que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui furent présents à son époque et qui prirent de lui cette religion directement, que ce soit ses fondements ou ses ramifications. De la même façon, ce terme inclut ceux qui les ont suivis et qui héritèrent sans tarder de leur science et qui furent concernés par l'attestation du messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses éloges lorsqu'il dit « les meilleurs des gens ». Comme on l'a vu tout à l'heure, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux de celle qui suit, puis ceux de celle qui suit. Puis il cite le hadith que nous avons déjà mentionné. Et ce terme comprend également les suiveurs de ces derniers, les suiveurs des compagnons, les tabi'in. Et cette appellation commença à se faire connaître lorsqu'apparut la divergence entre les groupes déviants et que chacun essaya de s'affilier aux pieux prédécesseurs et de se réclamer des pieux prédécesseurs en prétendant que sa voie n'est autre que celle sur laquelle les pieux prédécesseurs étaient. Ainsi, il fut nécessaire qu'apparaissent les bases et règles de la voie salafite, salafie, et ce de manière claire, et qu'elle soit fermement établie, afin que l'affaire ne soit pas confuse pour quiconque souhaiterait suivre les pieux prédécesseurs. Et il a également dit, donc le Cheikh Mohamed Aman, dans un autre passage du livre, il apparaît à présent, suite à ce que nous avons démontré, que le sens de la salafie est devenu une terminologie désignant la voie de la première génération et ceux qui les suivent. Dans quel domaine ? Dans l'apprentissage de la science. La façon de comprendre la science et la manière d'y prêcher. Il ne convient donc pas de la cantonner à une période particulière. Il faut plutôt qu'elle soit considérée comme un principe ininterrompu. Et ce, tant que vie sera. Comme il est primordial de se rendre compte de la nécessité de restreindre ce groupe sauvé aux savants du hadith et de la sunna et les adeptes de cette voie qui ne cessera d'exister jusqu'au jour de la résurrection. Et ce, en se basant sur le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il ne cessera d'y avoir une partie de ma communauté secourue sur la vérité. Ne leur nuiront point ceux qui les contredisent ou les délaissent. Je dis, le hadith qu'il a mentionné est unanimement reconnu authentique. D'après Muawiyah, qu'Allah l'agré. Donc il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Nous nous sommes donc rendus compte et nous connaissons donc à présent le sens religieux du mot salaf et qu'il désigne les compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui auront suivi ces derniers dans l'excellence jusqu'au jour de la rétribution en empruntant leur voie et en suivant leurs traces. Troisième question à aborder: quelques appellations religieuses désignant les pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih. As-salaf as-salih. Celui qui se propose de parcourir les paroles des gens de science se rendra compte qu'ils ont utilisé d'autres appellations dont la portée est identique à celle de ce noble nom. Il ne faut pas comprendre, donc, qu'il y ait une quelconque divergence entre eux. Plutôt, toutes ces appellations-là désignent une seule et même chose. Et ces appellations sont toutes issues de textes qui en font mention. Parmi ces appellations-là, il y a les gens de la sunna et de l'unité. Ahlul sunnati wal jama'a. Les gens du hadith, ahlul hadith. Les gens du athar, ahlul athar. Les gens du athar, le athar, ici c'est un synonyme du hadith. Le athar, ça peut avoir le sens des paroles qui sont attribuées aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de manière plus large au salaf, mais ici ça désigne, comme l'a mentionné l'imam al-Sakhawi dans son livre Fath al-Mughith, ça désigne le hadith, c'est un synonyme du hadith. Également parmi ces appellations-là, il y a le groupe sauvé et la faction secourue. Al-Firqatu al-Najiya wa al-Ta'ifatu al-Mansura. Et également, il y a les étrangers, Al-Ghuraba. Concernant la première appellation, Ahl-Sunnati wal-Jama'a, les gens de la Sunna et de l'unité, l'imam Sufyan al-Thawri a dit, comme cela a été recensé par Al-Lalaka'i dans Sharh Usul i'tiqad Ahl-Sunna, il a dit, lorsque tu entends parler d'un adepte de la Sunna en Orient et d'un autre en Occident, fais-leur parvenir ton salam et invoque en leur faveur, car il n'y a pas plus rare que les gens de la Sunna et de l'unanimité, Ahl Sunnati wal Jama'a. Et le shir de l'islam, Ahmed Ibn Abd al-Halim Ibn Taymiyyah al-Harrani, a dit dans son livre Al-Istiqama, la sunna est liée à l'unité, de même que l'innovation est liée à la dissension et à la division. Ainsi on dit les gens de la sunna et de l'unité, et on dit les gens de l'innovation et de la dissension. Ahlus sunnati wal jama'a wa ahlul bid'ati wal furqa. Et il a dit dans un autre passage, notamment dans son livre, dans Al-Majmou', Majmou' al-Fatawa, recensé par le Cheikh Ibn Qasim, en définissant de l'agent de la Sunna, il a dit, ce sont ceux qui sont accrochés à ce qui est venu dans le livre d'Allah et la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et à ce sur quoi se sont accordés les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans l'excellence. Il a également dit, la voix des gens de la Sunna et de l'unité est ancienne. La voix des gens de la Sunna et de l'unité est ancienne et était connue avant même qu'Allah ne crée Abu Hanifa et qu'il ne crée Malik ou Shafi'i ou encore Ahmed, car c'est la voix des compagnons qui l'ont pris de leur prophète. Quant à celui qui contredit cela, il est innovateur auprès des gens de la Sunna. Quant à leur appellation par les gens du Hadith et les gens du Athar, Ahlul Hadith ou Ahlul Athar, elle se trouve, comme je l'ai dit, dans les paroles des ulama, notamment l'imam Ahmed et l'imam Al-Bukhari et d'autres. Et l'imam Ibn Taymiyyah a titré dans Majmou' al-Fatawa, la voix des gens du hadith, de la sunna et de l'unité. Donc on retrouve l'appellation les gens du hadith. Puis il mentionna leur voix. Il les a donc appelés par les gens du hadith, de la sunna et de l'unité. L'imam Abu Hatim al-Razi disait, parmi les signes des gens de l'innovation, le dénigrement des gens du athar. Parmi les signes des gens de l'innovation, le dénigrement des gens du athar. Donc on retrouve ici l'appellation Ahlul Athar. Parmi les signes des gens de l'innovation, le dénigrement des gens du athar. Al-Khatib al-Baghdadi, le Cheikh Abdallah al-Bukhari, de rapporter donc la parole d'Al-Khatib al-Baghdadi, qui a rapporté dans Sharaf Ashab al-Hadith, avec une chaîne de transmission authentique d'Ahmad ibn Sinan al-Qattan, qu'il a dit: il n'est pas dans ce bas monde des innovateurs sans qu'il ne déteste les gens du hadith. Car lorsque quelqu'un innove, la douceur du hadith est ôtée de son cœur. Et lorsque la douceur du hadith est ôtée du cœur de la personne, alors il va détester les gens du hadith. On trouve donc dans ces quelques textes la présence de ces appellations-là, les gens du athar et les gens du hadith. Et on trouve également dans ce second texte rapporté dans cette parole de Ahmed ibn Sinan al-Qattan le fait que parmi les signes des innovateurs, le fait qu'ils détestent les gens du hadith, le fait qu'ils détestent les gens du hadith. Et la cause de cette appellation a été expliquée par l'érudit Al-Lalakai lorsqu'il a dit: puis quiconque adopta une voie s'affilia à celui qui la fonda. Il était en train de parler, l'imam Al-Lalakai, il était en train de parler de l'époque donc des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'apparition de l'innovation. Puis l'innovation est apparue. Puis il a dit: puis quiconque adopta une voie s'affilia à celui qui la fonda et se rallia à sa cause, excepté les gens du hadith, car leur mentor, leur leader et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi c'est à lui qu'ils s'affilient et à sa science qu'ils adhèrent, et c'est sur lui qu'ils se basent et vers lui qu'ils se réfugient, et c'est son avis qu'ils prennent en compte, et c'est de cela dont ils sont fiers, et ils se vantent de la proximité qu'il y a entre eux et lui, c'est-à-dire entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès des ennemis de sa sunna. Ils se vantent auprès des ennemis de la sunna d'avoir comme mentor le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui donc rivalise dans la noble mention qui est faite d'eux, et qui les concurrence sur le champ d'honneur et dans l'éminence de leur affiliation? En effet, leur nom est puisé et fait référence au sens du livre et de la sunna, du fait qu'ils les appliquent ou qu'ils se particularisent par le fait de s'y rallier. Ainsi, ils balancent dans leur affiliation au hadith, d'une part, entre la mention qu'a faite Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre lorsqu'il a dit: Allahu nazzala ahsan al-hadith, Allah a fait descendre le plus beau des hadiths, des récits, dans surat Az-Zumar. Et ce hadith là qui est mentionné ici, c'est le Coran. Ainsi, ils sont les porteurs du Coran, ses adeptes, lecteurs et gardiens. Et entre le rattachement, donc, on a dit d'une part, entre ce qui a été mentionné ici, et d'une autre part, le rattachement au hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de la sunna balancent donc entre le fait qu'ils se réclament du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une part, et qu'ils se réclament de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'autre part, car ils sont également ses représentants et propagateurs. À partir de là, aucun doute qu'ils méritent amplement ce nom, le nom d'Ahl al-Hadith, du fait de la réunion de ces deux sens en eux, et du fait que nous reconnaissons que c'est d'eux que les gens prennent le livre et la sunna, et que c'est sur eux qu'ils se basent pour en connaître l'authentique, pour connaître ce qui est authentique de la sunna et le différencier de ce qui est faible, de ce qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah a dit: et nous ne visons pas seulement par les gens du hadith ceux qui se contentent de l'écouter, de l'écrire ou de le rapporter. Plutôt, nous visons par eux quiconque serait plus à même de le mémoriser, le connaître, le comprendre et l'appliquer, aussi bien dans ce qui est apparent que dans ce qui ne l'est pas. Et de même pour les gens du Coran. Donc il y a Ahlul Hadith, on va dire Ahlul Hadith, et également Ahlul Coran. Quant à leur appellation par le groupe sauvé et la faction secourue, Al-Firqatu Nadiya wa Ta'ifatu Al-Mansura, cela a été rapporté dans le célèbre hadith qui fait mention de la division de la communauté, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les enfants d'Israël se sont divisés en 71 factions et ma communauté se divisera en 72. Toutes sont en enfer sauf une, et c'est le groupe. Toutes sont en enfer sauf une, et c'est le groupe. Et c'est un hadith qui est connu et reconnu, établi et authentique, contrairement au dire de ceux qui ont prétendu sa faiblesse. Car ce hadith, bien sûr, il ne plaît pas à tout le monde. Mention en est faite également dans le hadith de Muawiyah, donc la mention de l'appellation que nous avons mentionnée, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne cessera d'y avoir une faction de ma communauté secourue sur la vérité. Al-Ta'ifa Al-Mansoura. L'érudit Al-Lalaka'i a dit dans Sharh I'tiqad Ahli Sunnati wal Jama'a: elle est donc la faction secourue, Al-Firqatu Nadiya, et le groupe sauvé, Al-Ta'ifatu Al-Mansoura, ainsi que la troupe juste et bien guidée qui est attachée à la Sunnah. Médite donc qu'Allah te garde ces nobles et éminentes caractéristiques. Le Cheikh de l'Islam a dit dans l'introduction de son célèbre livre Al-Wasitiyya, il a dit en outre, donc au début de son livre: ceci est la croyance du groupe sauvé et secouru, Al-Firqatu Nadiya wa Ta'ifatu Al-Mansura, jusqu'au jour de la résurrection, les gens de la Sunna et de l'unité, Ahlus Sunnati wal Jama'a. Tu trouves donc que ce sont des synonymes, toutes ces appellations-là sont des synonymes. Et le Cheikh Abdallah al-Bukhari de dire, et le professeur de nos enseignants, le grand savant Hafiz al-Hakami, a dit dans son livre Al-Ma'arij, Ma'arij al-Qabul, qui est un commentaire de son poème intitulé Sulam al-Wusul, dans le dogme islamique, il a dit: et nous est parvenu le récit du véridique sallallahu alayhi wa sallam, mentionnant que le groupe sauvé est celui de ceux qui sont sur quoi il était, ainsi que ses compagnons. Donc, le groupe sauvé, c'est le groupe de ceux qui sont sur le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui de ses compagnons. Quant à l'appellation, les étrangers, Al-Ghuraba, il y a un hadith qui est célèbre et qui est authentique et a été mentionné concernant cette appellation-là. Et il est inconnu d'aucun sunnite. Dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé. Touba donc pour les étrangers. Et Touba donc c'est un arbre au paradis, donc c'est une bonne annonce qui est faite à ces étrangers. Et l'imam Soufiane Thawri disait: soyez bons avec les gens de la Sunna, Ahl Sunna, car ce sont des étrangers, Ghuraba. Ibn al-Qayyim a dit dans son livre Madarij al-Salikin, en commentaire de ce hadith, il a dit: les croyants parmi les gens de l'islam sont étrangers, les gens de science parmi les croyants sont des étrangers, les gens de la Sunna parmi ceux qui la distinguent des passions et innovations sont des étrangers, et ceux qui y appellent et endurent le mal de ses opposants sont encore plus étrangers, mais ce sont eux véritablement les partisans d'Allah Azza wa Jal, donc aucune étrangeté en vérité ne les touche, et leur étrangeté n'est que relative à la majorité à propos de qui Allah a dit « وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » Et si tu suis la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Comme dans la sourate les bestiaux, Al-An'am. Ceux-là sont donc les étrangers d'Allah. Son messager et sa religion et leur étrangeté les met à part. Et ce, même s'ils sont connus et que les gens se retournent vers eux. Donc ils sont des étrangers. Auprès d'Allah, ils ne sont pas des étrangers. Mais auprès des gens, ils sont des étrangers. Ainsi, l'étrangeté est de trois sortes. L'étrangeté des fidèles d'Allah, des gens de la sunna et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, au milieu de l'humanité tout entière. Et elle est celle dont les adeptes ont été loués par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a entre autres informé que la religion avec laquelle il est venu a débuté étrangère et qu'elle le redeviendra comme elle a commencé. Et que ses adeptes deviennent étrangers. Et cette étrangeté peut subvenir dans un endroit, une époque ou un peuple, alors qu'elle n'en touchera pas d'autres. C'est possible donc que cette étrangeté ait lieu dans un endroit, à une époque ou dans un peuple, mais que cette étrangeté ne touche pas d'autres types de personnes. Et comme on l'a vu, l'étrangeté, il y a différents degrés dans l'étrangeté dont nous sommes en train de parler. Cependant, ce qui se particularise par cette étrangeté sont les véritables proches d'Allah, car ils n'ont pas désiré autre que lui et ne se sont pas affiliés à autre qu'à son messager sallallahu alayhi wa sallam et n'ont pas appelé à autre que c'est avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et parmi les caractéristiques de ces étrangers, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envié, comme cela a été rapporté dans un de ses hadiths, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envié ces étrangers-là. Parmi leurs caractéristiques, il y a l'accrochement à la sunna, alors que les gens s'en détournent, et le délaissement de ce que ces derniers ont innové, même si c'est ce qui est connu parmi eux. De même que la purification du tawhid. Le tawhid, c'est le fait d'affirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et le fait de purifier le tawhid, ça consiste à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser, à se détourner de l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, même si la plupart des gens réprouve cela, ainsi que l'absence, parmi également les caractéristiques, l'absence d'affiliation à autre qu'Allah et son messager. Tu trouveras que ces étrangers-là dont nous sommes en train de parler, ils ne se réclament de personne d'autre que d'Allah et de son messager. Ni cheikh, ni voix particulière, ni école, ni groupe. Plutôt, ces étrangers se réclament d'Allah, et ce en lui vouant exclusivement le culte, ainsi que de son messager, en ne suivant que ce avec quoi il est venu. Et ceux-là sont ceux qui réellement saisissent la braise. La braise qui a été mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a comparé ceux qui vont se cramponner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin des temps et dont l'endurance sera comparable à l'endurance de quelqu'un qui viendrait saisir une braise. Ceux-là sont ceux qui réellement saisissent la braise, alors que la plupart des gens, ou plutôt tous, autant qu'ils sont, les critiquent. Donc ils subissent les critiques de ceux qui ne suivent pas la sunna. Ainsi, à cause de leur étrangeté, parmi la masse, ils les considèrent marginaux, innovateurs ou encore dissidents à la grande majorité. Mais l'islam sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient est de nos jours encore plus étranger qu'à son apparition. Et ce, même si ses principes et grandes lignes sont encore visibles et reconnus. Car le vrai islam est le vrai islam et on ne peut plus étranger. Et ses adeptes sont des étrangers parmi les gens. Et comment ne serait-il pas un seul groupe, peu nombreux, étrangers parmi 72 groupes dotés de partisans et bénéficiant de hauts postes et fonctions dont les intérêts ne résident que dans la contradiction avec la législation qu'a apporté le messager sallallahu alayhi wa sallam? Comment ne serait-il pas peu nombreux alors que ce qu'ils suivent, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, combat et contredit les passions des gens qui ne la suivent pas? En effet, l'essence même de ce avec quoi il est venu, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contredit totalement les passions et jouissances dans lesquelles ces gens-là baignent, de même que les ambiguïtés et passions qui représentent pour eux le summum du mérite et le but ultime à atteindre, ainsi que l'assouvissement de leur passion qui est leur objectif. Tout cela est en contradiction avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que les adeptes de la sunna s'attellent à suivre scrupuleusement. Comment le croyant qui chemine vers Allah en cherchant à se conformer à son ordre ne serait pas étranger au milieu de ceux-là qui ne font que suivre leur passion et obéir à leur avarice et qui sont tous, autant qu'ils sont, éblouis par leurs propres opinions? Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonnez le convenable et réprouvez le blâmable. Puis lorsque vous verrez que l'avarice est obéie et la passion suivie et ce bas monde mis en évidence et en avant, et que chacun est ébloui par sa propre opinion, et que tu verras des situations dans lesquelles tu ne peux rien faire, alors préoccupe-toi de ta propre personne et méfie-toi du commun de ces gens-là, car il y aura après vous des temps où l'endurance de celui qui en fera preuve sera comme celle de celui qui se saisit d'une braise. Fin du hadith. Puis plus loin, Ibn al-Qayyim de continuer en disant: ainsi, si le croyant à qui Allah a donné de la clairvoyance dans sa religion et une certaine compréhension de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de son livre, et à qui il a fait prendre conscience de ce sur quoi les gens sont réellement comme passion, innovation, égarement et déviance et dérogation au droit chemin sur lequel était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, qu'Allah les agrée, et s'il souhaite emprunter cette voie, alors qu'il habitue son âme aux choses suivantes: à la critique et au dénigrement venant des ignorants et autres partisans de l'innovation, ainsi que le fait qu'il cherche à éloigner les gens de lui et à les mettre en garde contre lui, comme le faisait avec leur modèle et imam, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leurs ancêtres parmi les mécréants. Et qu'il sache aussi que s'il s'aventure à les appeler à la voie qu'il suit, à la voie de la sunna, et qu'ils critiquent leur voie, c'est alors comme si c'était pour eux la fin du monde. Ils feront leur preuve d'animosité envers lui et lui tendront des pièges et rassembleront les cavaleries et infanteries de leurs leaders à savoir le diable, les cavaleries et infanteries, les troupes du diable, pour le contrer, pour mettre en garde contre lui et écarter les gens de lui. Tout ça pourquoi ? Car il aura suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il aura appelé à la sunna et qu'il aura mis en garde contre ceux qui le contredisent. Il est donc étranger dans sa religion du fait de la fausseté de leur religion, étranger dans son attachement à la sunna du fait qu'ils sont attachés aux innovations, étranger dans sa croyance du fait de la fausseté des leurs, étranger dans sa manière de prier du fait de la manière exécrable qu'ils ont de le faire, étranger dans la voie qu'ils suivent du fait de la fausseté des voies qu'ils suivent, étranger dans ce à quoi ils s'affinient du fait de la fausseté de ce à quoi ils s'affinient, étranger dans la manière qu'il a de se comporter avec eux du fait qu'il ne va pas dans le sens de ce qu'ils attendent de lui. En somme, il est étranger dans les affaires de sa religion et de sa vie dans ce bas monde. Il ne trouve parmi la masse aucune aide ni assistance. Il est un savant au milieu d'ignorants, un partisan de la sunna au milieu d'innovateurs. Il appelle à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors que ceux qui l'entourent appellent aux passions et innovations. Il ordonne le convenable et réprouve le blâmable au milieu de gens pour qui le convenable est blâmable et le blâmable convenable. Et je vous invite à lire la fin de la parole d'Ibn al-Qayyim dans son livre Madarij al-Salikin, et on continuera demain Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.